L'évangile, c'est un ce qui vaut, bien sûr, faut dire vraiment. Celui qui dit des promesses, oui, et amen, et Dieu intervient pas un serment. C'est pourquoi dans la foi est une immense joie, persévérant dans le se porte des fruits saints. Oui, merci, soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pourra retenir son corps. Notre partie n'est pas sur la terre, mais dans la ferme et céleste cité. Considérons donc bien notre roi éternel, parfois ce qu'il a interrogé. Mon royaume n'est pas de ce monde, a-t-il dit, dans ta belle confession du Fils, témoignant clairement. Étrangère sur cette terre. Oui, merci, soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pourra retenir son corps. La nature divine son épouse l'enterre. L'abondance de ses vertus. Nous croissons et devient un chemin pur et saint. Nous soyons présentés à Jésus. Cette œuvre, je la commence dans notre vie. Paris, elle sera accomplie. Nom de Paris. Oui, merci, soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pourra retenir son corps. De louons Dieu pour ce céleste appel. L'héritage impérissable, ton Fils unique inaugura la voie nouvelle, sois béni pour ce don ineffable. Garde-nous, notre Dieu, dans un esprit bouillant, que sans cesse nous soyons fervents, pour garder l'espérance tu nous as donnée. Pour l'éternité. Oui, merci, soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pourra retenir son corps. Merci.